On m'a dit que bon matin, c'est pas français. Fait que bon. Allô? Je peux-tu fermer ça ici? Hein? J'ai pas de slide ce matin. Vous êtes obligé d'écouter. Là, vous allez être obligé de lire dans vos versions respectives. Mais la mienne, c'est la meilleure. C'est toujours la meilleure. D'accord, on est dans l'Évangile selon Marc, entre parenthèses selon Pierre, si on est d'accord là-dessus. Fait que on est au chapitre 2. Et avant de le lire, je vais quand même faire une petite mise en contexte. Là, chapitre 2 ici, on va parler de la guérison d'un paralytique. D'accord? Vous m'entendez bien? Je compétitionne pas trop avec le train ou l'inverse? Non? Il va passer. Il y a 250 wagons, celui-là. OK, donc, on va parler de la guérison de paralytique. Je ne vais pas lire le texte, je vais le lire après, mais je vais faire quand même une petite introduction. Si on fait un sommaire de Genèse 1 à 3, c'est important parce qu'on veut comprendre ce que Jésus fait. Alors, au Jardin d'Éden, là, sans tout raconter l'histoire, Adam, Dieu a donné à Adam le dominion, l'autorité sur tout ce qu'il y a sur la création, mais lui a fait une interdiction. Et ils avaient une relation parfaite. Adam et Ève ne devaient pas mourir, si on regarde comment Dieu les a créés. Ils n'étaient pas créés pour mourir, ils étaient créés pour vivre. Mais ils n'avaient pas le sceau de la vie éternelle, mais ils pouvaient vivre éternellement tant qu'ils vivaient, tant qu'ils étaient obéissants à ce que Dieu a donné comme directive. Mais un jour... peu importe le détail, là, Adam a désobéi. C'est pas Ève, c'est pas le serpent, c'est Adam qui a désobéi. Le jour où il a désobéi, Dieu, qui est juste et fidèle, qui est intègre, qui est tout-puissant, applique ce qu'il avait dit. Le jour où tu en mangeras, assurément, tu mourras. Alors, à l'instant où Adam va prendre du fruit défendu, il désobéit à Dieu, à cet instant-là, le péché est entré dans la nature humaine. Et la conséquence de ce péché-là, c'est premièrement la mort spirituelle. À l'instant même, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire que le lien intime qu'ils avaient avec Dieu est coupé. C'est fini. Et c'est fini pour Adam, Ève et leur descendance. Jusqu'à, dans la chose, Dieu, jusqu'à ce que Dieu restaure. OK? Fait que la mort spirituelle est instantanée, mais la conséquence humaine n'est pas instantanée. Adam, dans le livre de Genèse, j'ai oublié quel chapitre, nous dit qu'il est mort à l'âge de 930 ans. Bon, il faut savoir que quand Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé de petit bébé, là. Il l'a créé homme, mature, capable de faire ce qu'il avait à faire, pleinement connaissant de toutes choses et capable de le faire. Donc, il a vécu 930 ans, mais il a vieilli puis il est mort. Puis ses descendants ont vieilli, ils sont morts jusqu'à nous. Nous, on est ici, on est en train de jaser, mais mauvaise nouvelle. Bon, c'est une bonne dans un sens. On va finir par mourir. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Bon, voilà. Fait que. Non, mais parce qu'il y a autre chose. Sinon, je ne dirais pas ça. Mais parce qu'il y a autre chose. OK, donc la mort physique. La mort physique, là, ça l'a entraîné la maladie, ça l'a entraîné un paquet d'affaires. Ça l'a amené des morts prématurées aussi. C'est pas tout le monde qui est mort à 930 ans, il y en a qui sont morts avant ça. Puis après le déluge, on sait que Dieu va réduire la vie de l'homme à 120 ans. OK, bien 120 ans, il n'y en a pas tant que ça, là. Ils font les journaux planétaires, ceux qui sont en haut de 100 ans. Bon. Mais en général, on pourrait dire que la moyenne de vie, là, aujourd'hui, c'est pas la moyenne, mais que quelqu'un qui vit dans les 90 ans, là, il a vécu une longue et sereine vie physiquement. OK. Mais Dieu, il applique la conséquence. La conséquence, c'est la mort. Mais en même temps, il introduit une promesse. Il a introduit une promesse qu'il y aurait restauration. Puis, difficile quand on lit juste Genèse de penser que c'était si clair que ça, mais quand on regarde l'histoire de Job, Job le savait. Job 29, il dit, hein, quand je vais être mort, quand ma chair va être détruite et tout ça, quand mon rédempteur va se lever, je vais le voir. Je vais le voir dans mes propres yeux. Donc, il croit à la résurrection. Il sait déjà ça. Puis Job, c'est avant Abraham. Okay? Avant que tout soit écrit, là, c'est déjà connu. Il savait. Et ils attendaient. Mais Job est mort, comme il l'a dit. OK. Dans Jean, au chapitre 3, on lit en Jean 3, 16, on le connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les versets 17, 18 disent, « Car Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Ceux qui croient en lui ont la vie éternelle, ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. » Fait que quand on est dans ce monde, on est ben les deux sont bons, hein? On est déjà jugé. Mettez-les comme vous voulez, naître ou être, on est déjà jugé. OK? Fait que on est sous la condamnation. Mais, hein, c'est écrit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Alors, nous, si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie, je n'ai pas envie de vivre jusqu'à 100 ans. Le plus tôt possible, bientôt. Il revient bientôt. Bon, je ne serai pas exprès là, pour partir d'ici, là, mais bon, j'essaie d'optimiser le temps que Dieu me donne du mieux possible. Mais le jour où je pars, amen, merci Seigneur. OK? J'espère que c'est la même chose pour vous. Alors, le texte d'aujourd'hui s'insère dans le plan de Dieu pour l'humanité, à quelque part entre le péché puis la résurrection qui est promis, la vie éternelle qui est promis. Et donc, on va le lire, OK? Et Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Bon matin. Quelques jours après ce qui s'est passé avant, je ne sais pas si vous vous rappelez avant, là, juste pour le positionner, c'est que Jésus vient dans la maison de Pierre, il va avoir une guérison de la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre, la mère de Pierre. Puis là, après ça, il y a plein de monde qui viennent, ils guérissent toutes sortes de monde, des maladies, etc. Puis après, le lendemain, il se lève de bonne heure, il va prier, puis après ça, il dit qu'il faut qu'on aille dans les bourgades autour. OK? Mais là, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Lequel est-il? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Alors, l'appel aujourd'hui, c'est « Venez à Jésus pour le pardon de vos péchés et vous vivrez. » Et vous vivrez, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Okay? Et les trois points que j'aimerais faire dans le texte, là, c'est « Viens tel que tu es. » On va regarder ça dans le texte qu'on lit. « Viens tel que tu es. » Crois au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. D'accord? Alors, on va relire le texte. Moi, j'aime bien descendre le texte puis le décortiquer de cette façon-là. Mais gardez en tête, c'est que c'est le moment maintenant, si vous avez quelque chose qui ne va pas avec le Seigneur, de venir à lui pour le pardon de vos péchés. Puis lui, il est juste et fidèle pour vous pardonner et purifier de toute iniquité. Vrai? 1 Jean 1,9. OK. Quelques jours après, Marc 2, verset 1. En fait, c'est la même histoire dans Matthieu 9, puis dans Jean, j'ai oublié quel chapitre, là, mais dans Jean. C'est exactement la même histoire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Donc, il revient où il était. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Si vous vous rappelez le chapitre d'avant, là, toute la ville est venue parce qu'ils ont entendu de... Là, ça fait quelques jours que Jésus est parti, est allé dans les bourgades faire la même chose. Là, il revient à Capernaum, puis il est dans la maison. Quelle maison? Ben, on peut supposer que c'est la maison de Pierre, dans laquelle on pense qu'il s'est établi son quartier général pour le restant de son ministère. Fait que quand il revient à Capernaum, il va là. Il est bienvenu parce qu'il a guéri la maman qui est dans la maison. Hein, Diane? La mère de Pierre. Oui, mais c'est la mère de Pierre. Tu comprends? Fait que c'est dans la maison, c'est elle. C'est qui le boss dans la maison chez vous, Diane, dans la cuisine, tout ça, là, tu sais, diviser les pieds? Pardon, vas-y. OK, fait il revient dans cette maison-là, il établit son quartier général là, et là, les gens le savent. Il y en a beaucoup qui sont déjà venus. Et là, ça dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Bon, ben, c'est pas comme les maisons modernes non plus. Il y a une porte pour entrer dans la maison. OK? Fait que la porte, est... il y a plein de monde en dedans. Les scribes sont assis en dedans. Il y a d'autres mondes qui sont assis en dedans. C'est plein, il n'y a plus d'espace. La porte, là, c'est bloqué. OK? Alors, Jésus annonçait la parole. De quoi qu'il est en train de parler? Il est en train de parler... Bien, ils connaissent l'Ancien Testament, mais ils ne connaissent pas lui. Quand il annonce la parole, il annonce lui. Des gens vinrent à lui, verset 3, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, la porte est bouchée à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Découvrir le toit ici, là... Ma compréhension, après un petit peu de recherche, c'est que les maisons, ben, c'est pas mal de même aussi encore certains pays d'Afrique, puis Nord de l'Afrique, Moyen-Orient, c'est que les murs sont faits de terre qui soit cuite ou soit juste carrément mis dans des tas, là, mais ça fait, ils sont capables de faire des murs avec ça, c'est impressionnant. Là. Mais quand les murs sont faits, on met des poutres sur la toiture, puis là, ils installent des tuiles sur les poutres. J'ai oublié le nom du gars, là. Il y a un gars qui fait ça. Philippe, il est où, là? C'est quoi le monsieur asiatique, là, qui fait... Comment? Mr. Hank. Il fait des constructions, là, dans le sol, avec la terre. C'est impressionnant, là. Ça y prend plusieurs jours. Mais il n'y a pas d'autres matériaux que la terre puis les arbres autour de lui, les feuilles, les affaires de main. Mais il est capable de construire la maison. Donc, il y a des poutres. Puis là, ils mettent des tuiles sur les poutres pour faire une toiture. Puis après ça, ils mettent quelque chose pour isoler, là, comme une boîte, là, je sais pas quoi. Là. Puis ça isole le toit. Alors, eux, ils sont pas capables de rentrer par la porte. Fait qu'ils prennent l'escalier de côté pour aller sur la toiture. Comme les résidents frais, le soir, l'été, quand il fait très, très chaud, au lieu de dormir en dedans, ils vont dormir sur la toiture. C'est un petit vent frais, ils dorment. OK, mais là, ces gens-là, ils montent sur la toiture. C'est pas leur maison, là. Quand il dit, ils descendirent... Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ça veut dire qu'ils ont fait un trou dans le toit. Là. Il a fallu qu'ils enlèvent l'isolant, qu'ils enlèvent une coupe de dalle pour pouvoir descendre le paralytique. Bon, je ne sais pas là, chez vous, moi, si je faisais ça, comment vous le prendriez. OK? Le paralytique, il ne peut rien faire par lui-même. Mais il y a 4 personnes qui lui veulent du bien. On ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui est dit, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas qu'est-ce qui les motive, dans le fond, okay, on dit ils ont la foi, là, mais ils sont prêts à prendre des risques, ces personnes-là. Ils contournent la foule, ils montent sur la toiture, Pierre est en dedans, Jésus est en dedans, les autres disciples ils sont en dedans, les scribes sont là, il y a plein de monde là, qui les voit faire. Là. Fait que, là, ils prennent un risque. Non, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez peur d'annoncer l'Évangile? Ils prennent un risque, là, OK? On n'a aucun détail sur leur motivation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient la foi que Jésus pouvait guérir le paralytique. En fait, je le rephrase. Ils avaient l'assurance que Jésus le guérirait, basé sur ce qu'ils ont vu avant, entendu. Okay? Donc, ils sont entrés de force dans la maison de Pierre. Pierre, le gars, pas les maisons de Pierre. Ils ont démoli la toiture pour entrer dans la maison. Puis, dans le texte ici, c'est important, on dit que c'est l'Évangile selon Marc, mais on sait que Marc est inspiré de Pierre. Et il n'y a aucune allusion à quoi que ce soit là, qui aurait irrité Pierre de l'événement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que Jésus va faire. Alors, eux, ils sont prêts à prendre tous les risques. Ça, je vous dis, viens tel que tu es. Peu importe l'état du paralytique. OK, il est paralytique, mais qu'est-ce qu'il pense, le paralytique? Dans quel état d'âme il est, le paralytique? On n'en a aucune idée. Mais ils ont la foi. Il ne peut pas vraiment résister ses quatre amis. Hein? Il est paralytique. Comment est-ce qu'il peut résister à ça, là? Mais assurément, ça ne dit pas non plus qu'il était contre l'idée. OK, fait qu'il vient, peu importe son état, il vient. Peu importe sa connaissance de Jésus, il vient, ses amis l'amènent, parce qu'ils ont l'assurance qu'il va être guéri. Okay? Mais on devrait avoir l'assurance, nous aussi, qu'ils ont besoin d'être guéris. Parce que s'ils ne sont pas guéris, nos amis, je parle spirituellement, ce qui les attend, c'est terrible. Là. Lui, le paralytique, s'il n'est pas guéri, c'est le reste de sa vie qui est paralytique. Mais pire que ça, hein, c'est la mort éternelle. Bon, ça, est-ce qu'ils ont compris ça? Pas nécessairement, mais ils savent que Jésus peut le guérir. Alors, l'important ici, c'est de croire au nom de Jésus. Okay? Donc, c'est quoi la foi quand il dit ils sont approchés avec foi? Jésus, voyant leur foi, Jésus va agir sur la base qu'il voit leur foi. C'est quoi la foi? Le paralytique, il souffre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment c'est arrivé. Mais Jésus va l'appeler « mon enfant ». Jésus le connaît? Les scribes, eux autres, là, ils ne croient pas. Ils sont même offensés hein, que ce que Jésus va dire. Puis les quatre personnes n'ont aucun détail sur eux, mais on sait qu'ils ont la foi. Je vous amène dans Hébreux 11:1, OK? Ça vaut la peine d'aller le lire. Parce qu'ici, on a vraiment la démonstration du passage dans Hébreux 11:1. C'est parce que je peux le dire, mais vous allez l'oublier. Hein? Fait que si vous le lisez, peut-être que vous ne l'oublierez pas. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'ils font, là, les quatre amis? C'est même pas dit amis, là. Les quatre personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont l'assurance que Jésus va les guérir et elles en font la démonstration. Avant qu'ils soient guéris, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'ils arrivent à Jésus. Puis quand il arrive à Jésus, Jésus fait le reste. Nous, on espère que ceux qu'on aime vont venir au Seigneur. OK? On espère, on prie pour eux. Mais est-ce qu'on fait comme les quatre amis ici, ou les quatre personnes, c'est-à-dire d'accompagner, annoncer, parler d'eux, okay, au risque de se faire catégoriser, au risque d'avoir des représailles? Hébreux 11:1, c'est ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 11:6, pas tellement loin. Cette foi-là qu'on vient de décrire, là. Si les amis n'ont pas amené le paralytique à Jésus, il reste paralytique. À moins que, d'une autre façon, Jésus rencontre ce paralytique-là. Là. Mais le point est, c'est qu'il faut venir à Jésus, puis il faut croire que Jésus peut faire ce qu'il dit. 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il répond à la demande de celui qui vient le voir. Il faut croire. La foi, c'est que je crois ça, je crois que Dieu existe, je crois qu'il répond aux prières, je crois qu'il va faire les choses dans ma vie, particulièrement mon salut. Fait que je vais agir en conséquence, je vais aller le voir, je vais oser lui parler, Je vais oser m'exposer, me rendre vulnérable, hein? Parce que là, le paralytique, là, tout le monde le voit, là, tout le monde l'a vu. S'il ne l'avait pas vu avant, s'il ne l'avait pas remarqué, là, c'est clair qu'ils l'ont vu. OK? Il s'expose. Non, mais c'est ça la foi, s'exposer. Sinon, je voudrais donc que, mais j'ose pas. Vous attendez à quoi? Mais vous vous exposez. On dit des fois, tu sais, quand tu commences à parler du Seigneur, ça se peut que tu perdes des amis. Ben oui, ils ne veulent pas l'entendre. Ou pas tout de suite. OK? Mais c'est parce qu'il y a une conséquence éternelle. Puis demain, tu ne sais pas si cette personne-là va être là. OK? Fait qu'il y a une conséquence éternelle. Alors, c'est quoi la foi? C'est vraiment de se lever, bouger. Maintenant, mettre ma confiance en Jésus. Mais c'est qui Jésus? Jésus, au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Première étape. Première offense, au jardin, désobéir à Dieu. Conséquence, tous les péchés que les humains font, le meurtre, le viol, l'adultère, la violence, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais gestes, etc. Tout ça là, découle du fait qu'on a tourné le dos à Dieu puis on n'a plus de référence. Fait qu'on est laissé à nous-mêmes puis on y va comme bon nous semble. Okay? Maintenant, Jésus il dit, et la conséquence c'est la mort. Jésus il dit, tes péchés sont pardonnés. Il nous ramène où? J'efface le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Mais il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Intéressant. Ils se disaient au-dedans d'eux. Ils n'ont rien exprimé. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bien, ils ont raison, là. Qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Fait que là, ils sont offensés, ils observent, ils connaissent les Écritures. Hein? Des fois, on rencontre des gens qui ont une certaine connaissance de la Bible, mais n'est pas capable de jaser avec eux autres parce qu'ils ont une compréhension erronée des Écritures, puis ils sont arrêtés là-dessus, puis c'est classé. Fait que eux, là, ils disent, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, cet homme-là, c'est un imposteur, un blasphémateur. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, Jésus vient de dire qu'il pardonnait les péchés du paralytique. Mais qui peut le faire? Dieu seul. Maintenant, eux, là, ils réfléchissent en dedans d'eux-mêmes. Jésus connaît leurs pensées. Mais qui d'autre que Dieu peut connaître les pensées qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Qui ici peut prétendre qu'il connaît les pensées qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Bon, on peut y deviner des fois, là, tu sais, ça fait longtemps que je connais, mettons, Roger, là, puis je vois une situation particulière, puis je vois son visage. J'ai une petite idée de qu'est-ce qu'il est en train de penser, mais j'ai pas la pensée exacte. Puis en fait, je pourrais me tromper, parce que peut-être que Roger a changé, puis ce qu'il est en train de penser, c'est différent de qu'est-ce que je pense. Mais Jésus, lui, il se trompe pas, OK? Il connaît les cœurs. Fait que qui peut lire? Mais ce qui est intéressant aussi au verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Nous, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir agir selon la pensée de Dieu dans les circonstances. Dieu peut nous montrer par l'Esprit, son Esprit qui est en nous, peut nous montrer des choses. Hein? Mais ici, c'est par son Esprit. Il est Dieu de toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais une personne. Comment on expliquera ça? Il n'y a pas besoin d'aide extérieure, il connaît les cœurs. Dans Jean chapitre 3, il dit la même affaire. Hein? Les gens sont, je sais pas, c'est 3 là. Ils glorifient Dieu, ils sont émerveillés. Mais lui, il dit que il se fie pas à ce qu'il pense parce qu'il connaît les cœurs. Fait que bien que extérieurement là, ils sont waouh, tu sais, ils croient que Jésus est spécial là, mais ils se laissent pas déranger par ça parce qu'il connaît les cœurs. Fait que ça veut dire que les cœurs sont pas changés. Okay? Fait que, donc, il pardonne les péchés, il lit dans les cœurs, il est lui-même esprit de Dieu, parce qu'il est capable de voir dans les cœurs. Okay? Et là, il leur demande, pourquoi avez-vous de telles pensées? Jésus, non seulement peut pardonner les péchés, mais il a pouvoir de rétablir les conséquences du péché. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire tout le temps. Ça ne veut pas dire que maintenant que je suis en train de dire ça, que c'est que vous n'avez pas de foi si vous n'êtes pas guéri de quelque chose, là. Ça n'a pas rapport. Mais peut-être que oui. Mais je ne suis pas dans vos cœurs, je ne connais pas vos pensées. Mais si je ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose, là, savez-vous quoi? C'est probablement qu'il ne le fera pas. Et s'il le fait, c'est autant opportun où tu vas être tellement saisi que tu vas croire maintenant que Dieu existe, tu comprends? Ou qu'il y a le pouvoir. D'ailleurs, on sait que Dieu existe, mais des fois, on doute qu'il peut agir dans nos vies. Non, pas de raison, là. Alors, Jésus, sachant que, qu'est-ce qu'il pense dans leur cœur, il dit, « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » La conséquence du péché au jardin, c'est la mort qui vient avec les maladies et tout ça. Jésus dit, « OK, qu'est-ce qui est le plus aisé de dire, « Je pardonne les péchés » ou « J'ai le pouvoir de pardonner » ou « J'ai le pouvoir de vie ou de mort » Lequel est le plus facile? Mais pardonner les péchés, ça se passe dans les lieux célestes. Je ne peux pas vous en faire la démonstration, sauf dans le cœur individuel. Mais les autres, vous ne le verrez pas. Mais c'est individuel. Mais je peux vous faire la démonstration que j'ai le pouvoir sur la vie ou la mort. OK? Alors, lequel? Tes péchés sont pardonnés ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » C'est une question qui est posée. Il n'a pas encore dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est une question qui pose. Or, afin, verset 10, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, c'est ça qui est important, pas la guérison, mais pour que vous compreniez que j'ai le pouvoir sur les péchés, vous allez comprendre, je vais vous faire la démonstration que j'ai aussi le pouvoir sur la vie et la mort. OK? Parce que c'est un paralytique, là, c'est pas un petit bobo sous le doigt. Ça va? Et si tu crois, et là il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, d'habitude, il dit, lève-toi et marche. Là, il dit, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Là, si j'arrête là, puis il ne se passe rien, là, juste attendez qu'il le fasse. Les scribes, ils pensent quoi, là? Hein? Pourtant, il vient d'en faire plein de miracles, là. Il a chassé les démons. Là, ils confrontent les scribes. Là. En fait, pas juste les scribes. Tous ceux qui pensent que Jésus n'a pas ce pouvoir-là, là, sont confrontés. Là, ce qui va se passer, c'est dans la vie de la personne qui est pardonnée. Est-ce que vous voyez un changement dans la personne qui confère Jésus-Christ? C'est là que vous voyez le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus. OK? Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Ah non, mes gars, paraplégique. Hein? Il ne peut rien faire longtemps, là. Je ne sais pas la première fois qu'on dit ça, là, mais quelqu'un qui a un accident grave, qui est blessé, puis qui est catastrophiquement blessé, là, tu sais, qui est amputé de quelque chose, ou qu'il faut qu'il fasse de la physio pendant 3 ans avant de pouvoir commencer à marcher raisonnablement, hein, tu connais ça, hein? Combien de temps, si tu exagères, dire 3 ans avant qu'elle puisse, tu sais, ça dépend de la personne, hein? Mais un paraplégique, là, qui n'a pas marché, là, on ne sait pas combien de temps, là, il se lève aussitôt, à l'instant, il se leva, faut le faire, là, il se lève, il est debout, capable de se pencher, prendre son lit, le mettre sur son épaule, puis sortir, c'est-à-dire qu'il marche, sans personne, il est rentré, il avait besoin d'aide, il est sorti, plus besoin d'aide de personne, il sort, tout le monde le voit. Je peux vous garantir que le monde s'est tassé. Hein? De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. C'est une restauration instantané. Écoute, on est dans la ville de Capernaum, là. Bon, je ne sais pas comment... La population, quelqu'un l'avait dit l'autre fois, c'était quoi? La population de Capernaum? 1500. Bon, à Saint-Charles, là, on est installé, nous autres, en juin 2011. En juin 2012, tout le monde au village parle de la petite maison rose au coin du rang, là, avec une grosse famille. Ils pensaient que c'était une garderie ou je ne sais pas quoi, là. Tu sais, il y a toutes sortes de sujets de conversation. Hein, puis tant qu'on ne se fait pas connaître au village, mais quand on arrive au village, on commence... Ah, oh, c'est vous, ça, la maison rose en haut? Non, c'est pas rose, c'est ça, mon. Bon. Ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Hey, On n'a jamais vu rien de semblable. Non. Puis après, il va partir, vous n'en reverrez pas non plus. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui s'est passé dans le cœur de cette personne-là. OK? Le péché au Jardin d'Éden a amené la mort. Le pardon des péchés ramène à la vie. Cet homme-là a été pardonné de sa nature pécheresse, de tout ce que cela a entraîné dans sa vie. Puis c'est pas nécessairement... Parce que faut comprendre que pour les Juifs, beaucoup de Juifs à l'époque, il y avait la conviction que la maladie ou la mort prématurée était liée à des péchés dans la vie de la personne ou de sa famille. C'était une conséquence, une malédiction personnalisée. Et donc, ils avaient dédain des malades. Et lui, là, ben, il est guérison instantanée dans la chair. Quand Jésus dit, afin que vous sachiez qu'il est donné au Fils de l'homme de pardonner les péchés, regardez. Voilà. Vous pensiez que c'est à cause de ses péchés? Ben, il n'y en a plus. Regardez, guéri. Les péchés sont pardonnés. Peu importe votre compréhension limitée de qu'est-ce que c'est, il est pardonné. Donc, plus de maladie. Jésus demande dans cet homme ce qu'il va faire pour l'humanité, en fait. Jésus est venu faire quelque chose. Il est venu enlever le péché du monde. Pas juste de ce monsieur-là, là. Péché du monde. Puis, il a promis. Il a promis la vie éternelle à ceux qui croient. À ceux qui croient en lui et à ceux qui croient en celui qui l'a envoyé lui. Il a la victoire sur le péché, puis il a la victoire sur la mort. Maintenant, au jardin, là, ça a pris 930 ans avant qu'Adam se couche. Mais la mort spirituelle était instantanée. Mais ça a pris 930 ans avant qu'il se couche. La guérison spirituelle est instantanée. Mais la guérison physique éternelle, ben, est encore à venir. Fait que faut juste attendre. Je sais pas si vous savez, là, 930 ans, là, c'est long. C'est long, longtemps. Pas pour vous, là. Toi, Jocelyn, hein, t'as-tu envie de vivre 900 ans? Ouais? Ben, honnêtement, pas moi. Non. Non, c'est pas que personnellement, j'aurais pas envie de vivre 900 ans. Ben, certainement, j'ai envie de vivre éternellement. Mais dans le monde dans lequel on vit, non. Merci. Non. Ça, si le monde allait mieux, de mieux en mieux, oui. Mais c'est pas ça qui se passe. Non, ça m'intéresse pas. 930 ans, c'est long. Alors nous, on attend depuis que Jésus est venu, ça fait 2000 ans. Et là, on pourrait se décourager de penser que ça va arriver. Non, c'est à la porte. Regardez les signes des temps, là. C'est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est le plus aisé? Pardonner les péchés ou ramener un corps à la vie? Pour le Seigneur, c'est la même chose. Il va pardonner les péchés de ceux qui viennent à lui, tels qu'ils sont. Alors, si aujourd'hui, il y avait quelque chose de pas réglé avec le Seigneur, c'est le temps de le faire. De venir à lui, tel que vous êtes, puis d'admettre qui vous êtes, puis de mettre votre confiance en lui. Et la promesse de Dieu, c'est que les péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, puis que la vie éternelle vous attend. Il y a un lien direct dans le verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde. Il y a un lien direct entre le pardon des péchés aujourd'hui puis la résurrection des morts à venir, très bientôt. On peut aller lire 1 Corinthiens 15? Puis je vais pas mal terminer avec ça. Verset 50. Parce que le paralytique, là, puis ses amis, qu'est-ce qu'ils visualisaient? Le pardon des péchés ou la guérison du paralytique? La guérison du paralytique. Ben nous, en quoi on met, OK, on est pardonné en Jésus-Christ, on est pardonné de nos péchés, ben, on va encore en faire, là, t'sais, on va encore faire des choses pas qui vont nous faire rougir, peut-être. Mais on peut aller voir le Seigneur Jésus chaque fois, tout le temps, n'importe quand, jusqu'à 70 fois, 7 fois dans une journée, hein, pour lui demander pardon de qui on est. Et à chaque fois, on est pardonné. Hein. 1 Jean 1,9, je le répète, hein, pardonne nos péchés, nous purifie de toute iniquité. Bon, 1 Corinthiens 15, verset 50. Intéressant. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, le corps dans lequel vous êtes ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, dans l'éternité. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre corps est corrompu et attaché au péché. Allez lire Romains 7, là. Ma chair est attachée au péché et la conscience de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en dedans de moi, parle à ma conscience et je suis toujours en combat avec cette chair-là qui veut d'autres choses. Okay? Mais il vient un jour où ça ne sera plus comme ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous physiquement, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nouveau corps. Pas celui-là. Nouveau corps. Et nous serons changés. Bon, en même temps, quand Nathalie était jeune, on avait un T-shirt, on avait une paire d'espadrilles avec un petit peu de boucan. Puis c'était écrit ce verset-là. En un instant, en un clin d'œil. C'est parce que les espadrilles, ils sont restés, lui est parti. Vite demain. Car il faut que ce corps corruptible, celui-là, revête l'incorruptibilité, l'autre, okay? Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Christ a eu la victoire sur la mort. Donc, on n'a plus aucune raison, nous, de craindre la mort. Ah, ça se peut que je n'aime pas la façon que je vais mourir, mais sachant ce qui va se passer de l'autre côté, bon, ben, comme on dit en anglais, tough it out. Hein? Passe au travers. Bon, ce n'est pas de la manque de compassion. Oh non, vous avez toute ma compassion, mais il faut quand même passer au travers. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la victoire. Est-ce qu'on la prend? C'est un autre sujet. Mais on l'a. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alors, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas saisi encore, ben venez à Jésus pour le pardon de vos péchés et vous allez vivre. Et juste aller psaume 22, juste pour dire que venez dans l'état que vous êtes. Psaume 22, versets 24 et 25. Psaume 22, là, c'est David exprime ce qu'il vit, mais en fait, c'est une prophétie de la crucifixion de Jésus. Okay? Mais il dit au verset 24, 25. Vous qui craignez l'Éternel, psaume 22. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. La postérité d'Israël, là, c'est ceux qui ont mis leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, ceux qui ont la vie éternelle. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Les peines, là, c'est pas que tu t'es cassé un bras ou ça. Non. Les peines, là, c'est tous tes fardeaux, tes misères. Ce qui te rend la vie, ce qui te fait rougir, ce qui te rend la vie difficile, ce que tu n'arrives pas à gérer. Il n'y a aucun mépris ni dédain pour ça. Et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Ça, c'est Dieu. Quand le paralytique vient à Jésus, là, il n'y a pas de question. Il sait déjà. Voilà. Donc, il n'y a pas de préparatif tel que tu es. Mais pour ceux qui sont sauvés, est-ce que vous aimez assez Dieu pour vous exposer publiquement afin que l'autre soit guéri? Je vous laisse avec la question. Amen.